Chapitre 5e, à 17 ans. La commotion qu'avait ressentie Rennes en se voyant trahie par celui qu'elle aimait avait été si terrible qu'elle était tombée, pour ainsi dire, foudroyée. Lorsque le fiacre dans lequel on l'avait transporté eut atteint Saint-Cloud, il s'arrêta devant la boutique d'un pharmacien. Là, on lui fit respirer des sels et on lui mit sur le front des compresses imbibées d'eau froide. Grâce à ses réactifs, la syncope cessa. Irène ouvrit lentement les yeux, et elle regarda autour d'elle d'un air étonné. Le souvenir de ce qui s'était passé fut d'abord confus. La scène entrevue à travers les barreaux de la grille ne se présenta à elle qu'entourée d'une sorte de brouillard. Son regard tomba bientôt sur Octave, qui se tenait agenouillé près d'elle. Une joie vive éclaira son visage et elle voulut l'interroger. « Chut !» fit le jeune duc, qui frémissait à la pensée de lui avouer sa culpabilité. Irène eut un sourire d'enfant qui se soumet, et sa belle tête pâlie se pencha sur l'épaule de celui qu'elle aimait. La Providence, mesurant sans doute la douleur à ses forces, venait de lui envoyer le sommeil, c'est-à-dire l'oubli. Elle était dans cet état de somnolence comateuse lorsque la voiture s'arrêta devant la porte de Madame Renaud. Une des fenêtres de l'hôtel contigu s'ouvrit aussitôt, et Miss Colfax avança la tête pour regarder. Elle avait simultanément reçu le billet de Martineau et appris que le marchand de fleurs artificielles, qui était venu deux fois chez elle, était sorti avec Irène. Quoique rien ne lui indiquât que ce billet, ces deux visites et ce départ dussent se rattacher par un même lien, elle n'avait pu se défendre d'un mouvement d'étonnement mêlé d'une crainte vague. Il lui tardait de savoir Madame Renaud de retour. Lorsqu'elle entendit le fiacre s'arrêter, elle eut le pressentiment que c'était elle. Elle ouvrit vivement la fenêtre. Elle fut saisie d'épouvante quand elle aperçut Octave descendre du fiacre et soutenant Irène qui avait peine à se traîner. Elle s'élança hors de sa chambre et, sans se préoccuper de l'accueil que lui ferait le jeune duc, elle rejoignit la fabricante de fleurs et lui demanda ce qui s'était passé. Mais la pauvre femme éprouvait une telle émotion qu'elle ne put que balbutier ces mots. « Plus tard, je vous expliquerai. » Quant à Octave, son désespoir était si grand qu'il ne reconnut point Miss Colfax. Flavia comprit que le plus urgent pour l'instant était de recourir au médecin. Elle rentra dans son appartement, fit atteler sa voiture et se rendit en toute hâte chez le docteur Cavarox. Le célèbre praticien allait se mettre à table lorsqu'on lui annonça Miss Colfax. Il se leva et alla au-devant d'elle. « Vous venez sans doute prendre des nouvelles de l'ex-prisonnier du baron, lui dit-il. Rassurez-vous, Miss, Salavert est près de lui et en cas d'urgence il me ferait prévenir. » « Le motif qui m'amène était plus grave et réclame toute votre science, » répondit la riche héritière. « Ma voiture est en bas, partons vite, je vous apprendrai la chose en route. » Cavarox prit son chapeau et sa canne et sortit de la salle à manger en jetant un regard de regret sur son dîner qui allait refroidir. Une demi-heure après, il était auprès d'Irène, qui avait été installée dans une pièce attenant à la chambre à coucher de Madame Renaud. Il déclara, après examen minutieux, que la jeune apprentie se trouvait sur le coup d'une fièvre cérébrale causée par une émotion violente et qu'il fallait agir promptement et énergiquement. Ainsi qu'un homme frappé par la foudre, le jeune duc, immobile et muet, regardait et entendait sans comprendre. « Vous la sauverez, n'est-ce pas ?» dit Miss Colfax, presque défaillante. « Je ferai du moins tout mon possible, » répondit le célèbre praticien, qui ouvrit son portefeuille pour formuler une ordonnance. « Vous allez lui mettre des synapismes aux pieds, » dit-il ensuite à Madame Renaud, « et toutes les heures vous lui donnerez une cuillerée de la potion que je vais écrire. Quant à la tête, je vais l'envelopper de glace. » Cavarox eut un instant l'intention de faire tomber sous le ciseau l'opulente chevelure d'Irène, mais cédant aux supplications de la fabricante de fleurs, qui regardait cet acte comme un sacrilège, il n'insista point. « Nous ne sacrifierons ces beaux cheveux, dit-il, que si cela est indispensable. Demain matin, je prononcerai sur leur sort. » Le lendemain matin, il revint et on lui apprit que la malade avait eu plusieurs accès de délire pendant la nuit, mais que depuis quelques heures, elle se trouvait plus calme. « Et quelles paroles prononçait-elle au milieu de son délire ? » demanda-t-il. Elle répétait sans cesse, « Cette femme, éloignez-la, sa vue me ferait mourir !» répondit Madame Renaud. « Ah hein !» dit le célèbre praticien en tournant les yeux du côté d'Octave, qui se tenait silencieusement au chevet du lit de la malade. « Je crois comprendre. » « Mais racontez-moi la chose tout au long, ma chère Madame Renaud. C'est le plus souvent dans les causes du mal que le médecin trouve sa guérison. » la fabricante de fleurs a appris à Pavarok ce qui s'était passé la veille à Ville d'Avray. Oui, fit le docteur. Je me doutais bien que l'amour jouait le principal rôle dans la maladie de cette pauvre enfant. Alors rien n'est désespéré. L'amour défera ce qu'il a fait et il la sauvera. Mais ce sera long et il faudra surtout beaucoup de soins. Les soins recommandés par Cavarox ne firent point défaut à Irène. Octave et Madame Renaud passaient toute leur journée auprès d'elle et le soir venu, Miss Colfax, qui était demeurée invisible pendant le jour, les remplaçait jusqu'au lendemain matin. Un matin qu'elle était demeurée plus tard que d'ordinaire près de sa chère malade, le jeune duc, qui ne la savait pas là, entr'ouvrit la porte de la chambre, la reconnut et se retira précipitamment. Le cœur de Flavia reçut un coup terrible. « Mon Dieu, murmura-t-elle, que faut-il donc faire pour désarmer sa haine ?» Cependant, les heureuses prévisions du docteur Cabarrot s'étaient réalisées. La fièvre avait cédé. Toutefois, Irène était si faible encore que ses souvenirs demeuraient toujours confus. Par moments, on voyait que sa mémoire était en travail, mais les efforts qu'elle faisait pour saisir le fil de ses idées étaient impuissants. Miss Colfax, qui lisait pour ainsi dire dans la pensée de la jeune fille, lui dit un soir « Calmez votre cœur, ma chère enfant, votre prompte guérison en dépend. » « Octave, » murmura Irène, et une légère rougeur monta ses joues pâlies. « Octave vous aime. » C'est lui que vous avez veillé pendant le jour depuis que vous êtes malade. Hein ? Fit-elle en cherchant à se rappeler. Allons, ne fatiguez pas votre pauvre cerveau, reprit Flavia. Lorsque vous serez guéri, rien ne vous séparera plus de lui. C'est à l'aide de ces douces paroles, souvent répétées, que l'ancienne novice parvenait à amener le calme dans l'esprit et dans le cœur de sa chère protégée. Aussi, la guérison arriva-t-elle à grands pas. Au bout de 3 semaines, Irène put se lever et passait quelques heures étendue sur une chaise longue, et en même temps que les forces du corps, celles de l'esprit lui revenaient. Mais quelque empire qu'elle eût sur elle-même, elle ne parvenait pas à éloigner l'image de cette femme qu'elle avait aperçue pressant Octave dans ses bras. Son sommeil même lui retraçait la fatale scène du kiosque dont elle avait failli mourir. Lorsqu'elle se réveillait, elle prenait la résolution d'interroger le jeune duc, mais quand elle retrouvait le lendemain près d'elle cherchant à prévenir ses moindres désirs, en l'entourant de soins pour ainsi dire maternel, elle se disait « J'ai cru voir, j'ai rêvé », et alors elle ne songeait plus à l'interroger. Octave, lui, avait deviné ce qui se passait dans le cœur d'Irène, et il comprenait qu'une explication était devenue inévitable, mais il frémissait à l'idée de faire l'aveu de sa trahison. D'un autre côté, il était trop loyal pour courir à ces vérités fardées qui sont l'équivalent du mensonge. Après bien des hésitations, il se décide un jour à aborder franchement la question. Ce jour-là, Irène, tant il est vrai que la coquetterie chez les femmes ne perd jamais ses droits, avait voulu que celui qu'elle aimait la trouvât aussi belle qu'avant sa maladie, et elle avait passé une grande heure à sa toilette. Belle, elle l'était toujours, et ce jour-là, 100 fois plus qu'autrefois. La souffrance qu'avait mise sur sa peau fine et veloutée, les transparences marmoréennes, faisait ressortir davantage la profondeur de son limpide regard. Sa chevelure magnifique, que la science était parvenue à respecter, avait repris son ancien lustre. Ses anneaux se déroulaient en liberté sur une tunique de cachemire blanc, un présent de Miss Colfax, et retombaient sur ses épaules comme un manteau royal. Mais ce qui ne pouvait se décrire, c'était l'angélique expression de sa figure, la douceur du sourire sur ses lèvres que colorait la santé renaissante. Couchée plutôt qu'assise sur une causeuse, elle effeuillait avec ses doigts de princesse une marguerite, cette fleur des consultations amoureuses. La dernière feuille était tombée sur l'adverbe si cher au cœur tendre, sur l'adverbe passionnément. En ce moment, un coup léger fut frappé à la porte. C'était lui, c'était Octave, elle le devinait, et son cœur se mit à tressaillir si vivement que sa voix eut un tremblement en prononçant le mot « entrée ». La porte s'ouvrit. Octave était devant Irène. Il est certains moments dans la vie où les paroles sont impuissantes à rendre les impressions de l'âme. Le jeune duc et la jeune fille se trouvaient dans un de ces moments-là. Titubant, comme s'il était pris de vertige, Octave s'avança vers la convalescente en l'enveloppant d'un regard passionné. « Octave !» répondit-elle en tendant la main. Il saisit cette main et la couvrit de baisers. Un long silence se fit. Irène, cependant, avait fini par remarquer la pâleur du jeune duc et l'expression étrange de son visage. « Qu'avez-vous » lui demanda-t-elle avec anxiété. Ce que j'ai ? Murmura-t-il. Ce que j'ai ? Il s'arrête un instant, puis il reprit. Mon Dieu, quand je vous parlerai, vous me repousserez. Vous me chasserez sans doute. Et pourtant, il faut que je vous parle. Il faut que vous sachiez tout. Ce que vous avez à m'apprendre est donc bien terrible, si terrible qu'à présent je ne me sens plus le courage. Ah, mais promettez-moi, jurez-moi de ne pas me mépriser et me haïr lorsque vous m'aurez entendu. Vous haïr ? Je ne le voudrais que je ne le pourrais pas, mais parlez, parlez vite, car vous me faites mourir d'inquiétude. Eh bien, je vous ai indignement trahi. Irène, bien qu'elle s'attendît à cet aveu, portait la main à son cœur comme pour l'empêcher de se briser, puis dominant sa douleur, continuait. Avez-vous entendu parler de certains poisons dont la propriété est d'enlever la raison, de certaines fleurs dont les émanations amènent l'ivresse ? Poursuivit Octave, toujours à genoux devant Irène. Eh bien, il y a dans le monde des femmes maudites, dont les lèvres distillent le poison et dont les regards enferment un magnétisme qui endort et étouffe la volonté. Celle que vous avez aperçue est une de ces femmes-là. Avant que je ne vous rencontrasse, elle avait fait de moi son jouet et sa proie. Je l'avais fui, elle a voulu, je ne sais dans quel but, me ressaisir, et pour arriver à ses fins, elle m'a tendu un abominable piège dans lequel je suis tombé. Aujourd'hui, j'ai brisé ces indignes fers, et je me repens, et je m'accuse, et mon cœur, un moment égaré, mais qui, au milieu de son égarement, n'a jamais cessé de battre pour vous, vous revient plus aimant que jamais. Et si vous lui fermez le vôtre, si mon repentir et mes larmes ne trouvent point grâce auprès de vous, il ne me restera plus Irène, mon Irène adorée, qu'à vous dire un adieu éternel, et à passer le reste de ma vie à pleurer le bien que j'ai perdu par ma faute. Irène, pendant la première partie de cet aveu, avait frissonné comme si une pointe acérée lui perçait le cœur. Mais lorsque le jeune duc eut achevé, son visage charmant exprimait une joie ineffable. Elle se disait qu'Octave ne lui mentait pas, et que malgré sa défaillance, il n'avait jamais cessé de l'aimer. Octave, semblable à un coupable condamné d'avance, attendait, les yeux baissés, l'arrêt qu'elle allait prononcer. Cet arrêt ne se fit pas attendre. « Vous avez subi l'influence d'un poison délétère, » lui dit Irène, d'une voix pleine d'une ineffable douceur. « Votre raison a été obscurcie pendant quelques jours, mais votre âme n'a pas été atteinte. Pour moi, c'est tout. Je ne me souviens plus du reste. » « Vous me pardonnez donc ?» demanda le duc à moitié délirant. Pour toute réponse, elle lui tendit la main. Les quelques minutes qui suivirent entendirent cette vieille chanson, toujours jeune, de l'amour. Et cependant, aucune parole ne fut échangée entre Irène et Octave, mais à défaut de leur voix, leurs cœurs se parlaient et traduisaient éloquemment le sentiment qui les entraînait l'un vers l'autre. Tout à coup, un nuage assombrit le gracieux visage de la convalescente. Le jeune duc, effrayé de cette pâleur subite, leur demanda la cause. « Mon ami, répondit-elle, nous avons fait un rêve qui jamais ne se réalisera. Vous êtes duc de Ballombreuse, où je ne suis qu'une pauvre enfant sans nom, sans famille, sans fortune, et une barrière insurmontable nous sépare. « Cette barrière, je la franchirai, » dit Octave avec feu. « Je ne dépends que de moi seul. Je vous aime, cela me suffit. Mais le monde, que dirait-il ? Que diraient vos sœurs ? Irène, ma bien-aimée, reprit-il, noble ou non, riche ou pauvre, dans un mois, vous vous appellerez la duchesse de Valombreuse. » Cachée derrière la porte de la chambre dans laquelle se tenaient Irène et Octave, deux femmes, l'une dans tout l'éclat de la jeunesse, l'autre arrivée à la maturité de l'âge, n'avaient point perdu un seul mot de l'entretien de nos amoureux. « Le couple charmant qu'il ferait, » dit à mi-voix Miss Colfax à Madame Renaud. « Oui, » répondit la digne fleuriste, « et cependant je doute que leur union puisse jamais avoir lieu. Et pourquoi ? Irène a sa fierté, et dû son cœur se briser, elle refusera. Mais si sa naissance était égale à celle du jeune duc, si ce titre de petite princesse que lui donnait Olga était réellement le sien ? Il faudra le prouver, » répliqua Madame Renaud. « Et qui le prouvera ? Un homme peut-être peut soulever le voile qui couvre la naissance de cette chère enfant, » repartit Flavia. « C'est l'ancien prisonnier du baron Walker. Demain, j'irai voir le docteur Cavarox. » Un matin, qu'elle était de près malade,